Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Stud Sterkel. Adaptation Méboada et Benoît Giros. Épisode 3. Le fermier, c'est l'homme. Ce que j'ai retenu de cette époque, c'est que la pauvreté crée le désespoir. Et le désespoir, la violence. On avait nos jardins et on faisait nos conserves. On mettait en conserve notre viande nous-mêmes. Il y avait du travail. Et les gens occupés font les gens heureux. Les fermiers ont perdu tout espoir. On s'achetait plus rien entre voisins parce qu'on n'avait plus rien. Tout allait aux créanciers. Et ça leur suffisait jamais. 1969, des hommes et des femmes parlent au micro. Je suis allé à leur rencontre, à la rencontre de ceux qui furent particulièrement pris dans le séisme de la Grande Dépression, les fermiers. Le fermier, c'est l'homme, un cas à part, un cas en soi. Le fermier dans la crise de 1929 et la sécheresse par-dessus le marché. Les gens mouraient de faim et ont jeté la nourriture. La violence d'un holocauste. On dit que ça ne recommencera jamais. À lire les journaux ces derniers temps et à voir la souffrance des paysans, on se demande si ça n'est pas déjà à nouveau là. Par cet après-midi bruineuse d'octobre, la rue principale de Marcus, dans l'Iowa, est déserte. Pas une fenêtre n'est ouverte, on n'entend pas un bruit. Soudain, de la musique rock déchire le silence. D'une boutique qui a l'air d'être inoccupée depuis des années, sortent deux filles et un garçon. Ils doivent avoir 13 ou 14 ans, je demande mon chemin. Ils sont amicaux, mais un peu étonnés. Vous cherchez le vieil homme ? Ils ont envie de m'aider, l'un désigne le nord, l'autre le sud, l'autre encore l'ouest. Chacun est certain que le vieil homme vit quelque part aux alentours. Un peu plus tard, je suis au coin d'une rue devant la plus vieille maison de Marcus. Le décor est d'une autre époque. Sur le perron, Franck, qui a plus de 80 ans, et Rome, 10 ans de moins. Avant la dépression, ils étaient marchands de vêtements. Oh, bon Dieu, la Grande Dépression. La Holiday. La Holiday, oui, l'association des agriculteurs. Ils ont manifesté devant le tribunal où siégeait le juge Bradley. Les fermiers contestaient la perte de leur ferme. Je pense qu'ils avaient raison. Leur cause était juste. La ferme valait probablement 70 000 ou 80 000 dollars et il la saisissait pour 15 000 dollars d'hypothèque. C'était pas juste. Ouais, c'est sûr. Je leur reproche pas d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti le juge du tribunal et ils lui ont mis une corde au cou. Ils allaient le pendre. Ouais, ils l'ont traîné dehors. Il avait la trouille. Il crevait de peur. Bradley était un bon ami à nous, on le connaissait bien. Ils l'ont roulé dans le goudron et les plumes. Non, pas là. C'est arrivé, mais pas dans ce cas. Mais ils lui ont passé la corde au cou. Et il était terrorisé. Il crevait de trouille parce que il ne pouvait rien faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de faire appliquer la loi, quelle qu'elle soit. Et je ne sais pas. C'est... Ils lui ont mis une corde au cou. Je n'étais pas là, je ne l'ai pas vu. Ils l'ont pas pendu, mais ça a foutu sa vie en l'air. Il s'en est jamais vraiment remis. Je crois qu'il a pris sa retraite. Il n'était pas bien du tout. C'était un choc pour un vieil homme. Ouais, quand on est à deux doigts de se faire lyncher. Ce groupe de fermiers, ils étaient plusieurs centaines, je crois. Et il était à leur merci. Je sais pas pourquoi, ils ont finalement décidé de pas le faire. Juste après cette affaire, ils ont tous été arrêtés. Le club de sport était à l'extrémité sud de la ville. C'est là qu'ils les ont parqués, derrière des barbelés. Et comment la dépression vous a-t-elle affecté ? Oh, c'était dur. Ceux qui avaient de l'argent l'ont perdu. Ouais, toutes ces banques fermées. Je crois qu'on est la seule famille qui est restée là. Pas vrai? Ben, on avait plusieurs magasins dans différentes villes. À Youngstown, dans le Dakota du Sud, à Mason City et à Carroll, dans l'Iowa. On a dû les fermer en 1933. On avait la meilleure clientèle de la ville. Vous avez rouvert après? Non, on n'a jamais rouvert. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis? On est resté là, à traîner. Une route de gravier, trois fermes, pas de panneau, rien qui indique la présence du vieil homme, pas de nom. Devant chacune des fermes, un arbre avec le même écriteau, « Attention aux chiens ». Un jeune gars s'avance et me regarde. Le fermier est gentil, mais il ne connaît pas d'Oscar Eline dans le coin. À la quatrième ferme, une vieille femme que j'interromps pendant qu'elle regarde le match de baseball Tigers-Cardinals me renseigne. Je reviens sur mes pas et après plusieurs chemins de gravier, je finis par le trouver. Tout ce que les gens ont dû endurer, c'est pas croyable. Un gars qui avait vécu toute sa vie sur sa ferme, on la lui prenait. Après la saisie, on le condamnait pour défaillance. Il perdait pas que sa ferme, mais aussi la possibilité de régler ses dettes. Oscar Eline a vécu toute sa vie dans l'Iowa sur la ferme que son père cultivait. Il raconte la première dépression agricole des années 20. Après le boom de la terre au début des années 20, les prix n'ont pas cessé de baisser jusqu'aux dernières années de la décennie. En 28-29, quand on a eu l'impression qu'il y avait une éclaircie, qu'on allait se mettre à jour de nos arriérés, la dépression des années 30 nous est tombée dessus. Les fermiers ont perdu tout espoir. On s'achetait plus rien entre voisins parce qu'on n'avait plus rien. Tout allait aux créanciers. Et ça leur suffisait jamais. À quoi ça servait de vendre une ferme? Pourquoi on nous permettait de continuer? Ça ne couvrait pas les dettes, ça ne liquidait pas l'emprunt. On se trouvait sans travail et toujours endetté. D'abord, ils prenaient votre ferme, ensuite votre bétail, ensuite votre matériel et même vos meubles. Et ils vous éjectaient. Oh, les fermiers étaient unis. Il y avait des ventes aux enchères. Souvent, un voisin achetait un truc impéni pour ensuite leur donner au premier propriétaire. On se chauffait au grain. C'était moins cher que le charbon, au maïs. Un comté à l'est d'ici, ils se sont chauffés au maïs tout l'hiver. C'était en 32-33. Avec le maïs, on pouvait même pas se payer à manger. Ça ne payait pas le transport. Dans le Dakota du Sud, si vous vouliez vendre un boisseau de maïs, il fallait débourser 3 cents. Vous imaginez ce qui pouvait se passer quand on n'arrivait pas à sortir de ça? Il y a eu plein de problèmes sur les routes. Les gens étaient bien décidés à ne pas mettre leurs produits sur le marché. Bétail, crème, beurre, œufs, tout quoi. En les jetant, ils forçaient le marché à offrir des prix plus élevés. Les fermiers bloquaient les routes, les boîtes de lait étaient vidées dans les fossés et les œufs jetés par terre. Ils ont brûlé le pont pour que le train ne puisse plus transporter le grain. Oh, les conservateurs n'aimaient pas ce comportement rebelle. Mais il fallait bien faire quelque chose. J'ai passé l'essentiel de mon temps comme lobbyiste pour les coopératives d'État. J'essayais de faire passer des lois. Je n'ai pas participé aux actions sur les routes. Certains fermiers pensaient sans doute que je ne soutenais pas leur cause. Ils étaient désespérés. Si vous n'étiez pas là-bas avec eux, vous n'étiez pas avec eux tout court. Vous étiez forcément un ennemi. Je n'étais pas sûr que quelqu'un ne viendrait pas un jour ou l'autre chez moi faire du mal à ma famille. Quand les ponts brûlent, il y a des accidents, de la violence, il peut y avoir des meurtres. On ne sait jamais. Les plus conservateurs, ils voulaient pas se joindre à ce groupe. Je voulais pas non plus, parce que c'était pas la bonne réponse. Il fallait sans doute ça, mais il fallait aussi plus que ça pour résoudre le problème. Il fallait faire aussi en même temps des trucs constructifs. Mais j'ai jamais parlé durement des gars qui bloquaient les routes. Oh, on a fait passer quelques lois. La première chose, ça a été d'empêcher les juges de condamner les gens pour défaut de paiement. Le principe était, la propriété reviendra un jour entre vos mains. La seconde loi, ça a été de créer des comités dans chaque comté. Des comités d'attribution. Ils prenaient en charge les dettes de quelqu'un et discutaient avec les créanciers. Ils donnaient une chance aux gars. Les banques et les compagnies d'assurance l'ont joué dur au départ. Elles avaient la ferme, elles avaient le jugement, et puis petit à petit, elles découvraient que ça ne leur rapportait pas grand-chose. Il leur fallait quelqu'un pour gérer la ferme. Alors, elle la louait au gars à qui elle l'avait prise. Mais ce n'était plus un bon exploitant. Le pauvre gars avait perdu toute possibilité d'être loyal parce qu'il n'en avait pas les moyens. Il fallait qu'il survive. Tous les exploitants étaient dans le pétrin. Alors, les banques et les compagnies d'assurance ont dû réfléchir et arrêter les saisies. On a mis de l'argent frais dans les mains des fermiers. Le gouvernement fédéral a changé toute l'organisation du marché pour qu'on ne se chauffe plus avec du maïs à 10 cents pour faire remonter le maïs à 45 cents. Les gens voyaient à nouveau le bout du tunnel et pouvaient espérer. C'était tout un changement d'attitude. Vous ne pouvez pas imaginer. Il s'est encore passé autre chose. On avait deux fois trop de cochons parce que le maïs était trop bon marché. On ne pouvait plus se permettre de donner du maïs à 45 cents à un cochon de 3 dollars. Alors, il a fallu trouver un moyen de se débarrasser des cochons en trop. On les a achetés et on les a tués. Faut voir comme on était désespérés. C'était le seul moyen de faire monter le prix du cochon. La plupart, on les jetait dans le fleuve. On s'en est vraiment sorti quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde a payé ses dettes et ses hypothèques, mais le prix de la terre a baissé. Aujourd'hui, c'est remonté plus que dans toute l'histoire du pays. Ah, la guerre! Ça a fait quelque chose à ce pays. C'est ça qui crée le travail. Ça a fait aussi quelque chose à l'individu. J'avais un voisin quand la guerre a commencé. On avait un garçon en âge de partir pour le service. Et ce voisin, un jour, m'a dit qu'on avait besoin d'une bonne guerre et que ça réglerait nos problèmes agricoles. Et j'ai dit, oui, mais je voudrais pas donner mon fils pour en payer le prix. C'est pourtant ce qu'on a fait. C'était trop cher payé. C'est bizarre, c'était seulement il y a 35 ans. On a une nouvelle génération aux affaires aujourd'hui, elle réussit. C'est étonnant à quelle vitesse ils ont oublié que leurs parents ont été aidés par le gouvernement. Le bureau des fermiers que j'ai aidé à organiser dans cet état ne nous a pas aidés en 35. Il avait la même position qu'aujourd'hui. Pas besoin de gouvernement. Mais qui a renfloué les banques quand elles se sont effondrées dans les années 30? Le gouvernement fédéral. Ce que j'ai retenu de cette époque, c'est que la pauvreté crée le désespoir. Et le désespoir, la violence. « And it got so that the farmers couldn't stand it anymore. They'd see their neighbors sold off. Hey, mister, you come back by after a while and I'll put some food out there in a bag. En 1929, mon mari et moi, on travaillait dans une ferme qu'on louait. On faisait une récolte par an et le proprio prenait tout. And this is also dedicated to my baby sister. She's out there in the audience somewhere. And her friend. Cette vie horrible à n'avoir presque rien, ça a duré jusqu'à Roosevelt. And also, doo-doo and all the little doo-doos, I see them running around here. C'est que je n'ai jamais vraiment souffert de la faim pendant les années 30. Sitting by my window. Alors qu'il y a eu plein de gens pour qui c'était terrible. Quand vous traversez des trucs très durs, vous êtes bien plus capable de survivre à ce genre de crise. La première dépression dont Emma Tiller se souvient a commencé en 1914. On crevait presque de faim. Son père avait une petite ferme dans l'ouest du Texas. Papa avait des terres très riches, mais... C'est à cause de ces charançons qui sont arrivés comme une averse. Le coton avait bien poussé, on n'avait jamais vu ça. Quand on était dans la maison, on entendait les vers qui mangeaient le coton. On devait vérifier toutes les fissures dans les portes parce que les enfants avaient peur que les vers entrent dans la maison. Je ramassais le coton. On ne gagnait que 35 cents par quintal, mais on y arrivait. Parce que je travaillais aussi comme femme de ménage. Et là, les gens vous refilent des vieux vêtements et de vieilles chaussures. À l'époque, je travaillais beaucoup chez les gens. Et quand les Blancs tuaient le cochon, ils demandaient toujours aux nègres de les aider. On lavait les boyaux et on nettoyait toutes les saletés que ça avait fait. À la fin, ils nous donnaient plein de trucs. Assez de viande pour toute la famille. La plupart des nègres à la ferme étaient dans le même état que nous. Les cultures étaient bouffées par les vers. Et ils n'avaient pas d'autre travail que la ferme. À Ainslie. Cette année-là, au siège de l'Action sociale, je me souviens d'une femme en colère qui réclamait du lait pour son bébé. Si vous aviez vu ce qu'on donnait au bébé à la place du lait. Je me rappelle avoir vu des femmes mettre de la sauce de porc salée dans un biberon, rajouter une tétine et faire téter ça au bébé, un bébé tout bleu, qui mourait de faim. Maison après maison, j'ai vu ce genre de choses. En 1934, dans cette ville, les fermiers n'avaient plus rien à manger. Le gouvernement nous donnait des coupons. Avec ça, on pouvait avoir de la nourriture. Pendant une semaine, les gens sont venus faire la queue. C'était une petite ville, il y avait surtout des Blancs. Dans cette queue, on n'était que 5 nègres. Tout le reste était blanc. On restait là toute la journée et on attendait. On n'avait rien, ou alors de la viande pourrie. Ça faisait 2 jours qu'on était là quand il y a 3 hommes qui sont arrivés. Ils avaient 3 fusils et des ceintures pleines de balles. Ils ont dit en parcourant la queue, « Pas de panique, ce soir tout le monde rentrera chez soi avec à manger. » C'était 3 Blancs. L'un d'eux est allé au comptoir. Il a posé son coupon et a demandé de la viande. On lui en a rapporté qui était pourri. Il a dit au patron, vous donneriez ça à votre chien? Alors on lui donne de la bonne viande. Et puis reste là, debout. Alors le patron s'occupe du suivant, c'était un nègre. Il donne la viande que le blanc venait de rendre. Le blanc lui dit, prends pas ça, je la donnerai pas à mon chien. Et le patron dit, je vais appeler la police. Alors le gars l'a attrapé de derrière son comptoir par la cravate. Il est étranglé à moitié. Un autre nègre a dû couper la cravate pour pas qu'il étouffe. Quand le patron s'est remis debout, les larmes coulaient de ses yeux. Les 2 autres blancs avec leurs fusils attendaient tranquillement. Le patron leur a dit, « Est-ce que je peux vous aider, messieurs ?» Les 3 ont dit, « Ça fait 3 jours qu'on est là. » On voit ces gens tomber comme des mouches sous le soleil. Ils rentrent chez eux sans rien. Et ils reviennent le lendemain et ils n'ont rien à manger. Aujourd'hui, Nous voulons que tout le monde dans la queue ait sa part et après, on s'en ira. Ils ne braquaient pas leur arme sur le patron, hein, juste vers le plafond. Ils ont dit, pas de bêtises, essaie pas de téléphoner, serre ces gens, on restera ici jusqu'à ce que tout le monde soit servi. Quand tu les auras servis, tu nous serviras. Le gars a essayé de téléphoner. N'en était pas dit, j'espère que tu vas pas m'obliger à utiliser ce fusil parce que j'ai l'intention de m'en prendre à personne d'autre qu'à toi. Et je te raterai pas. Ça te rendrait pas service d'appeler la police parce qu'on les arrêterait à la porte. Tout le monde doit avoir à manger aujourd'hui. Et tout le monde y a eu droit. Cette femme, elle était vraiment décidée à avoir du lait pour son bébé. Elle a fait tout le bruit qu'elle pouvait, jusqu'à ce que le responsable accepte de lui donner un quart de litre. Quand on le lui a donné, elle a reculé aussi loin qu'elle pouvait et l'a jeté contre le mur. Splash ! C'était un peu l'état d'esprit des gens. On voit ce genre de choses aujourd'hui chez les Noirs, mais à l'époque, c'était des Blancs principalement. C'était eux les plus militants, du moins dans le Sud. Ce qui m'a un peu énervé à cette époque de Roosevelt, c'est quand ils ont fait ce truc où il fallait arracher une partie de la récolte. Surtout le coton. Je ne comprenais pas. Parce que c'était du bon coton. Et voir tout ce bétail tué. J'avais grandi avec le bétail. Et j'avais presque des sentiments humains pour ces bêtes. Il y avait cette vache. Et ce veau qui avait grandi avec nous. Je voyais les fermiers, les gros éleveurs de troupeaux. Ils n'avaient pas de quoi nourrir ces bêtes. Il y avait la sécheresse en plus. Alors ils les ont tués par centaines. J'allais voir ces vaches. Pour moi, c'était comme des êtres humains parce qu'elles continuaient à gémir quand ils étaient en train de les tuer et qu'elles n'étaient pas encore mortes. Un jour, j'ai eu une vision. C'était ça la guerre. Quand j'ai entendu ces vaches et que j'ai vu comment on les traitait, j'ai compris que les guerres, c'était horrible. J'ai pensé, pourquoi ils font la guerre? Pour moi, ces vaches, c'était comme des femmes qui pleuraient leurs maris, leurs enfants. J'ai couru à la maison et je suis restée longtemps assise. Et puis je me suis mise à pleurer. J'ai vu un groupe de Noirs qui marchait deux par deux en silence. Ils n'étaient pas bruyants, ils n'étaient pas agités. Ils avaient une mission, ils allaient quelque part. Prochain épisode avec Horace Keyton, dont le grand-père a été le premier sénateur noir du Mississippi, et Emma Tiller que nous retrouverons. J'ai assez travaillé pour cette femme. Il faut que je la réveille chaque fois que c'est l'heure de me payer parce qu'à chaque fois elle s'endort. Il voulait ériger un mur d'êtres humains, un mur noir. Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression. De Todd Sterkel. Adaptation Mebo Ada et Benoît Giros. Troisième épisode. Avec Jackie Berroyer, Todd Sterkel. Fernand Guillot, Oscar Heline. Morissette Gourdon, Mrs. Heline. Annie Callan, Rome Hanges. Claude Dunton, Frank Hanges. Félicité Wassy, Emma Tiller. Jean-François Perrier, John Beecher. A group of Negroes marching by, two together and silent. Et les voix de Pascal Nzonzi et Chloé Baker. Bruitage, Sophie Bissantz. Équipe de réalisation, Catherine Déréthé, Jean-Benoît Tétu, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Hard Times est publié aux éditions Amsterdam dans une traduction de Christophe Jacquet.